بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. نتخوف نستنمي دي 17 المحرم qui correspond au 4 septembre 2020. On se retrouve sur votre radio Taqwa pour une nouvelle séance concernant les actes du cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à purifier nos cœurs. Écoutons ce qu'a dit Ibn Uthaymeen rahimahullah en citant ce verset. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qu'il y a dans les poitrines? Il a dit, rahimahullah, les actes des membres du corps, tout le monde est capable de les perfectionner de la meilleure façon. Mais les actes du cœur, c'est difficile. C'est pour ça que certains salaf ont dit, la sincérité m'a demandé beaucoup d'efforts, plus que n'importe quelle autre œuvre. La sincérité. Nous croyons être sincères dans nos œuvres, alors que salaf, ils faisaient des efforts sur eux, pour la sincérité, disait Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Il dit, rahimahullah, cherche dans ton cœur, mon frère, est-ce qu'il y a en toi de l'ostentation? Est-ce que tu détestes la vérité? Est-ce que tu détestes les croyants? Est-ce que tu jalouses les croyants? Cherche dans ton cœur. Et il a dit, rahimahullah, la purification du cœur chaque jour est plus importante que la purification des vêtements chaque jour. Purifie ton cœur et écoute la parole d'Allah. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. La traduction approximative du sens du verset qu'il a cité, rahimahullah, ceux à qui Allah n'a pas voulu purifier leur cœur. Il dit, rahimahullah, purifie ton cœur. Oh Allah, purifie nos cœurs. Oh Allah, purifie-les de l'ostentation. Oh Allah, purifie de la haine. Purifie-les de la haine. Oh Allah, purifie de la haine. Purifie les cœurs de la haine pour les musulmans et de la jalousie pour les musulmans. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Notre sujet aujourd'hui concerne un grand acte parmi les actes du cœur, qui est le repentir. Concernant le repentir, le rédit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala a dit dans le recueil de Fatawa Nour al-Darb à la page 72, partant de là, il est obligatoire aux croyants de se hâter au repentir, car il ne sait pas est-ce qu'il sera surpris par la mort. Il ne sait pas quand est-ce qu'il sera surpris par la mort. Combien d'êtres sont sortis de leur maison et ne sont pas revenus? Et combien se sont endormis et ne sont pas réveillés? Et combien se sont installés pour manger et n'ont pas terminé leur repas? L'heure de la mort n'est pas connu des humains. L'heure de la mort n'est pas connue des humains pour retarder le repentir. Et il a dit, rahimahullah, l'obligation pour tout croyant, c'est de se hâter au repentir avant que ne soit dépassé le temps de l'acceptation du repentir. قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et il a cité ce verset dans la traduction approximative, nous dit ceci: repentez-vous tous à Allah, ô croyants, ainsi vous allez avoir le succès. Fin des citations de ce qui est voulu des paroles du Cheikh Al-Utaymin, rahmatullah alayh. Faisons Allah subhanahu wa ta'ala, et sur Allah subhanahu wa ta'ala, toute la descendance d'Adam, faute, commet des erreurs, et chacun de nous fait des péchés. Mais c'est quoi l'issue? Le messager alayhi salatu wassalam nous a orientés. Il a dit dans le hadith rapporté dans Sahih al-Jami', toute la descendance d'Adam commet des fautes. Et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes, ce sont ceux qui se repentent. Le repentir, c'est l'issue. La miséricorde d'Allah est immense. La porte du repentir est ouverte pour ceux qui veulent se repentir. Il ne se fermera qu'une fois que le soleil se lève de l'ouest. Et il est rapporté dans Sahih Targhib wa Tarhib que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vers la direction de l'ouest, il y a une porte dont la largeur est de 40 ans ou de 70 ans de marche. Allah l'a ouverte pour le repentir. Le jour où il a créé les cieux et la terre, il ne la fermera qu'une fois que le soleil s'élève de l'ouest. Alhamdulillah, ala judihi wa karamihi. Alhamdulillah, ala rahmatihi al-wasi'a. Dans Sahih Targhib wa Tarhib, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que Quraysh a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: demande à ton seigneur de faire du mont Safa une montagne d'or. Et si Safa devient une montagne d'or, nous te suivrons. Le prophète a imploré son seigneur. Jibril est descendu et il a dit au messager alayhi salatu wa sallam: ton Seigneur te passe salam et te dit, si tu veux que le mont Safa devienne de l'or, il sera. Mais celui qui m'écroit, je le châtie d'un châtiment que je ne ferai subir à personne par les deux mondes. Et si tu veux, je leur ouvre la porte du repentir et de la miséricorde. Et alayhi salatu wassalam a dit: plutôt la porte du repentir et de la miséricorde. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah azza wa jal a ordonné le repentir dans maintes versets. Qala azza wa jal: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. La traduction approximative du sens du verset: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Allah Azza wa Jal a averti ses serviteurs contre le retardement du repentir. قال عز وجل: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Et la traduction approximative dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre le fait de retarder le repentir, il est dit: et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vienne le châtiment, avant que ne vous vienne le châtiment et que vous ne receviez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez, avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi, pour mes manquements envers Allah, car j'étais certes parmi les railleurs. » Allah Azza wa Jal aime les repentants. Qala subhanahu wa ta'ala « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin » La traduction approximative du sens du verset. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. On Allah subhanahu wa ta'ala et sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah t'aime, il pardonne tes péchés. Il fera en sorte que les serviteurs t'aiment. Il exaucera tes du'as, il te donnera ce que tu veux, et tu as eu le bonheur des deux côtés, dans ce bas monde et dans le delà. Allah Azza wa Jal se réjouit du repentir de ceux qui se repentent. Dans le hadith d'Anas, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahumullah, le messager d'Allah a dit, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous ne se réjouit en retrouvant son chameau qu'il avait perdu en plein désert. Dans une autre version chez Muslim, Allah se réjouit du repentir de son serviteur alors qu'il se repent plus que ne se réjouit l'un d'entre vous qui étant avec sa monture dans une terre déserte, voici-ci lui échapper en portant avec elle sa nourriture et son eau. Alors désespéré, il s'installe à l'ombre d'un arbre et s'endort sans espoir. Tandis qu'elle est là, il rouvre les yeux et voilà que sa monture est devant lui et il la prend par la bride. Et au comble de la joie, il s'écrie « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur !» Il s'est trompé tellement sa joie était immense. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus content, plus réjoui de celui qui se repent que cet homme qui a retrouvé sa monture en plein désert, alors qu'il croyait que ça y est, c'est fini pour lui. Pas d'eau, pas de nourriture, tout seul dans le désert. Et Allah est plus content de son repentir, du repentir de son serviteur quand il se repent, que celui qui retrouve sa monture en plein désert, qu'il a perdu avec sa nourriture et son eau. Et qu'on se rappelle ce qu'on voit lors du début du mois de Ramadan. Rappelez-vous, beaucoup de gens reviennent vers Allah. Ils retrouvent le chemin des mosquées. Certains qu'Allah a comblés de sa sainte miséricorde persistent et continuent après Ramadan. Et d'autres lâchent et reviennent à leur désobéissance. Et cela prouve qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complète dans le retour et le repentir de ceux qui ont lâché après Ramadan. Allah Azza wa Jal a divisé les gens en deux. Des repentants et des injustes. Il est dit dans le verset, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. La traduction approximative du sens du verset, ceux qui ne se repentent pas, ceux-là ce sont les injustes. Attention qu'on ne soit pas parmi les injustes. Qu'on sache que la mort arrive par surprise. Et le repentir n'est pas accepté de celui qui subit les agonies de la mort. Comme dans le hadith, Allah accepte le repentir de son serviteur tant que son âme n'est pas arrivée à sa gorge. Et aussi la porte du repentir se ferme dès que le soleil se lève de l'ouest. Qu'est-ce qui empêche celui qui délaisse et néglige la prière à se repentir? Qu'est-ce qui empêche celui qui se nourrit et ramasse sa fortune par riba de se repentir? Qu'est-ce qui empêche l'innovateur de délaisser son innovation et de se repentir et revenir à la sunna de son messager alayhi salam? Qu'est-ce qui empêche le désobéissant à ses parents de se repentir? Qu'est-ce qui empêche celui qui coupe les relations familiales et les relations de sang de se repentir, etc., etc. Dans certaines assises, il nous est arrivé à tous d'entendre ceux qui prient et aussi ceux qui ne prient pas, ceux qui baignent dans le riba et ceux qui sont loin du riba, tu les entends tous, dire pourquoi les gouverneurs des pays de l'islam n'accomplissent pas la justice, pourquoi ils sont injustes. Mais jamais ils se demandent à eux-mêmes quand est-ce qu'ils vont délaisser le riba, quand est-ce qu'ils vont arrêter de négliger la prière, quand est-ce qu'ils vont imposer à leurs femmes et à leurs filles de ne pas sortir exhibées dehors. Et qu'on sache que si on se repent à Allah et qu'on fait triompher la religion d'Allah dans notre vie, Allah nous fera triompher sur nos ennemis, qu'ils soient parmi les djinns ou les humains. Et comme il est dit dans cet adage arabe, et c'est une parole qui n'est pas un hadith, « Kama takounu yuwalla alaykum » Comme vous êtes, vos gouverneurs ne sont que l'image de vos œuvres. Nous voulons des gouverneurs comme Omar ibn al-Khattab, alors qu'on n'est pas comme Abdullah ibn Omar, ou Abdullah ibn Abbas, et ainsi de suite. On veut libérer la Palestine, alors que beaucoup parmi nous ne se sont pas libérés de leurs passions. Et beaucoup parmi nous sont loin de la religion qu'Allah aime et agrée. Il est obligatoire pour nous de se repentir et de s'éloigner des péchés et de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Il nous a demandé de faire triompher le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salam dans notre vie, selon la voie et la compréhension du pur prédicateur d'Allah alayhim. Ils doivent être une réalité dans notre vie. Nous devons les mettre en application selon la voie et la compréhension de le pur prédicateur d'Allah alayhim. Et à ce moment, Allah nous fera triompher sur nos ennemis. Et Allah nous facilitera les moyens du triomphe. Comme il est dit dans le verset, « In tansurullaha yansurkum » La traduction approximative du sens du verset, « Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fera triompher. » Wa qala azza wa jal, « Wa man nasru illa min indillah » La traduction approximative du sens du verset, « Le triomphe vient d'Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. » Mais nous devons nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut de nous subhanahu wa ta'ala. Méditons et apprenons la véracité dans le repentir de cette femme qui est tombée enceinte par un acte de zina à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette femme est venue d'elle-même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, je mérite la sentence, fais-la-moi subir. Le prophète a appelé le tuteur de cette femme et lui a dit, sois bon avec elle, et quand l'enfant sera né, ramène-la-moi. Et c'est ce qu'a fait le tuteur de la femme. Et quand on l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager alayhi salatu salam a ordonné de bien serrer et de bien attacher les vêtements de cette femme pour qu'il ne se découvre pas. Et il a ordonné alayhi salatu salam qu'on la lapide. Et puis, avant de l'enterrer, avant d'enterrer cette femme, le messager d'Allah a prié sur elle. Omar radiyallahu anhu arda a dit, ô messager d'Allah, tu pries sur elle alors qu'il a commis l'adultère. Le messager d'Allah a dit, il s'est repenti d'un repentir, c'est il a été partagé entre 70 habitants de Médine. Il aurait été suffisant pour eux. S'il a été, si le repentir de cette femme, a dit Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, a été partagé pour 70 gens de Médine, il aurait été suffisant pour eux. Et il a dit, alayhi salatu salam, elle n'a rien trouvé de mieux que de donner sa vie pour Allah. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et regardez ce que dit le messager, alayhi salatu salam, du fait d'accomplir les sentences. قال صلى الله عليه وسلم إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté par Ibn Majah et qui est un hadith que l'Albani rahimahullah a dit, hein, que c'est un hadith hassan dans Sahih al-Jami', regardez ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'accomplissement d'une sentence parmi les sentences d'Allah est mieux que 40 nuits de pluie dans un pays parmi les pays d'Allah. Regardez le bienfait qu'il peut y avoir de la pluie. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait d'accomplir une sentence d'Allah est mieux que 40 nuits de pluie. Sindi rahimahullah, dans le commentaire qu'il a fait du Sunan Ibn Majah, a dit, وذلك لأن في إقامتها زجرا للخلق عن المعاصي والذنوب وسببا لفتح أبواب السماء بالمطر وفي القعود عنها والتهاون بها أنهما كأنهم في المعاصي وذلك سبب لأخذهم بالسنين والجدب وإهلاك الخلق. سيندي دون لو كومونتير دو سو حديث دي لا يتدي كو دون لاكومبليسمون des sentences, il y a le fait, hein, que ça fait peur aux gens, ça les remet à leur place, et ça leur fait peur pour ne pas transgresser et désobéir à Allah. Et les sentences accomplies sont la cause de l'ouverture du ciel avec la pluie. Et le fait de négliger les sentences, de ne pas les accomplir, c'est comme si les gens sont dans la désobéissance. Et ça, c'est la cause du fait de subir les sécheresses, hein, où les gens vont périr. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, lors d'une khutbah, a dit, hafidhahullah, il faut se réjouir de l'accomplissement des sentences. Il faut s'en réjouir, parce que c'est les lois d'Allah qui s'accomplissent, et il faut être content que les lois d'Allah s'accomplissent. Regardez, méditez, frère en Allah, Azza wa Jal, se repentir de cette femme. Cela prouve la véracité de cette noble femme qu'Allah l'agrée. Il a véracité de son repentir. Qu'on apprenne la véracité dans le repentir. Quant aux leçons à retenir de cette position, de cette noble compagnante, radiyallahu anha, la première des leçons, celui qui se repent d'un repentir sincère, Allah accepte son repentir. Cette femme qui est tombée enceinte par zina, s'est repentie à Allah, Allah a accepté son repentir. Méditez ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, de cette femme. قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit et fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. وقال عز وجل وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. La traduction approximative du sens du verset: quiconque agit mal et fait du tort à lui-même et puis aussitôt implore Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jal, qu'on ne désespère pas, pardonne tous les péchés, même la mécréance, même l'associationnisme, puis juste de se repentir, d'un repentir sincère, peu importe ce qu'on a fait. Et nous avons vu auparavant les conditions de la du repentir. Nous n'allons pas revenir là-dessus. قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. La traduction approximative du sens du verset dit ceci: dis-leur, ya Muhammad, dis: ô mes serviteurs qui se sont fait du tort, qui ont exagéré en se faisant des torts en eux-mêmes, ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est le clément pardonneur, il est le grand pardonneur et le clément, subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui se sont fait, qui ont fait trop de péchés, qui ont été trop injustes avec eux-mêmes, en exagérant dans le péché, il n'y a pas à désespérer. Et regarde qu'on déplaise al-Khawarij. Allah, subhanahu wa ta'ala, se les a affilés, il a dit: mes serviteurs, qu'on déplaise al-Khawarij, qui rendent de mécréants tout un chacun qui est dans le péché capital. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Vous vous rappelez de l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes et qui cherchait le plus savant de la terre. Et la première fois, on l'a orienté vers un adorateur à qui il a exposé sa situation. Et cet adorateur a trouvé que c'est énorme de tuer 99 personnes. Et il a fermé la porte du repentir devant cet homme. Le résultat, l'homme l'a tué, il l'a rajouté à sa liste pour augmenter le nombre de ses morts à 100. Et malgré cela, cet homme avait des remords dans son cœur. Il cherchait toujours à se repentir. Et cette fois, on l'orienta vers un savant, vers un homme de science digne du nom, qui lui a conseillé de quitter la ville où il habitait et d'aller à une autre ville où les gens sont mieux, où il y a des vertueux. Et sur le chemin, alors qu'il a pris le chemin pour aller vers cette cité, la mort est venue le prendre. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se le sont disputés. Hein? Chaque parti veut le prendre. Et Allah leur a envoyé un ange dans la forme humaine qu'ils ont pris comme juge. Et il leur a dit: mesurez la distance entre les deux cités, celle qu'il a quittée et celle vers laquelle il devait arriver. Et la cité vers laquelle il sera le plus proche, il sera des siens. Et quand ils ont mesuré, l'homme était plus proche de la cité vers laquelle il voulait aller, vers la cité du bien. Dans une version, il était plus proche de la bonne cité d'un empon. Et dans une autre version, Allah a ordonné à la bonne cité de se rapprocher, de se rapprocher de l'homme, et à l'autre de s'éloigner. Et dans une autre version, l'homme a poussé avec sa poitrine vers la bonne cité. Le hadith est authentique. Regardez cet homme qui a exagéré dans l'assassinat, mais qui avait toujours du remords. Il cherchait toujours à se repentir. Et il s'est repenti d'un repentir véridique. Allah a accepté son repentir. Et on retient de ce récit que l'entourage a une influence sur l'humain. La société vertueuse appelle vers le bien. La mauvaise société appelle vers le mal. La société de débauche va appeler vers la débauche. L'entourage de l'innovation va entraîner vers l'innovation. Un entourage de la sunna entraînera vers la sunna. Et celui qui prend comme compagnon quelqu'un qui préserve les droits d'Allah, il le guidera par la grâce d'Allah vers le bien. Il l'orientera vers le bien. Et il lui rappellera le bien. Et celui qui prend comme compagnon un débauché, il le jettera dans la débauche. Et comme a dit notre messager alayhi salam, l'être est selon la religion de son intime. Le hadith, il est authentique, que l'être, tu veux voir, c'est quoi ta religion? Regarde ton intime. Si ton intime est un tablir, tu ne peux pas être autre chose qu'un tablir. Ou du moins un sympathisant pour tablir et pour leurs innovations. Ton intime est un ikhwan, il en est de même. Ton intime c'est un khariji. Ton intime c'est un khasm al-haddadiya. Qu'est-ce que tu vas être? Et ainsi de suite. Il faut qu'on regarde qui sont nos intimes. Et qu'on choisisse les vertueux parmi les soumis à Allah Azza wa Jal. Les vertueux, quand on oublie, quand on tombe dans l'insouciance, il va nous rappeler les ordres d'Allah. On doit s'éloigner de ceux qui nous caressent dans le sens du poil. On fait le mal, vas-y. Il dit rien. Il te laisse dans ton mal. Peut-être qu'il t'aide à faire ton mal. Hada, on doit s'en éloigner. Parce qu'il va nous amener vers où? Vers notre perte. Vers la colère d'Allah. Et on retient aussi de ce récit qu'il faut pas aller chez n'importe qui pour les conseils. Mais nous devons aller, si on a besoin de conseils, aller vers ceux qui en sont dignes. Regardez l'ignorant, de par son ignorance, l'homme lui a coupé la tête. Et regardez l'homme de science, de par sa science, il a envoyé cet assassin vers la miséricorde d'Allah. Et cela nous oriente vers le fait d'apprendre notre religion. Car la science du livre et de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah Alim, aide et oriente vers la purification des cœurs et vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Et il oriente vers le fait de connaître au mieux Allah subhanahu wa ta'ala, vers le fait d'augmenter sa foi avec les bonnes œuvres, d'avoir Hein? La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, et d'avoir la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses promesses. Et tout ceci demande de notre part des efforts. Faire des efforts à apprendre cette religion. Il ne pourra pas venir du vide. Et qu'on ne perd pas de temps avec ces petits scoops que nous voyons, les petits morceaux de vidéo, les petits, hein, petits morceaux de duo sur lesquels on marque intéressant. Tout ça, ça ne donnera pas à la science. Il faut revenir à la réalité de l'apprentissage. Et dans notre cas, nous devons donner l'importance à l'apprentissage de la langue arabe, qui pourra nous permettre, qui est un outil, qui va nous permettre de ne pas s'endormir sur les interprétations, sur les traductions, qui va nous permettre d'écouter directement les paroles des grands hommes de science de notre époque. Regardez ce grand héritage que nous avons. Soit celui de l'imam al-Albani, l'imam ibn Baz, l'imam ibn Uthaymin, l'imam Abd al-Muhsin al-Abbad, al-Fawzan, al-Luhaydan, l'imam Rabi', Cheikh Ubaid, et d'autres. Regardez tout cet héritage qui est là, qui attend qu'on y vienne épuiser. Mais il faut se donner cet outil. Et il ne faut pas perdre son temps. Il faut revenir vers Allah et remédier à nos lacunes et implorer Allah subhanahu wa ta'ala et insister. Hein? Et insister dans nos implorations. Et quand on fait un péché, on revient vers Allah, on demande son pardon. Quand on délaisse une obligation, on doit se repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas être négligents. Regardez cette leçon et ce signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, que nous vivons depuis plus de 6 mois maintenant. Hein? Cette pandémie qui a mis à genoux les grandes puissances du monde. Hein? Il les a mis à genoux avec leurs armées, leur matériel militaire, avec tous leurs moyens. Et tout le monde est à genoux. Et cela prouve que la puissance est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve que rien ne peut exister dans ce bas monde si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. Et cela prouve que c'est seul Allah qui pourra et qui a la puissance et la capacité de nous délivrer de cette pandémie. Enfin, nous devons, ce doit être, pour le croyant et pour le soumis à Allah, c'est une période de réflexion et de repentir pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Et on doit réfléchir et regarder aussi pour notre descendance, qui est-ce que nous voulons qu'il soit. Et sauver notre descendance des pays de la mécréance avant que ça ne soit trop tard. Car on en est responsable devant Allah. Ni les aides de l'État, ni tout ce qu'on peut avoir comme aide par les États peut nous sauver. Hein? De la question sur notre responsabilité concernant nos enfants, concernant nos femmes, nos filles, et ainsi de suite. Fais Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna, wa sifati al-ula, an yaj'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Salu subhanahu wa ta'ala an yutahhira qulubana, وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح سلوه سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين